quand je serai grande, je serai présidente. Comme ça, je pourrai aider tous les gens malheureux dans le monde. Ça serait bien. J'ai vu à la télé des enfants qui pleuraient parce qu'ils avaient faim. Mon papa dit qu'on a de la chance. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde n'a pas de la chance. Métis D, R, O, Cédric, hein. C'est du lourd, donc alimente le son pour parler de la famine et de la sous-alimentation. Malnutrition qui touche toutes ces populations. Pas de maille, pas de graille, et en plus pas d'éducation. C'est la merde, laisse-moi prendre en sédatif le reportage de merde. Ah ça oui, les médias kiffent tous debout. Ah oui, toutes ces bombes, ça me fait mal à Louis. Casse des pieds, Afghanistan, Mongolie et Malawi. Nous m'habite mon cul, y'a pas d'harmonie. Ayastan, TDS, unis pour l'Arménie. Ça oui, ça ouais, ça le fait. En Afrique, tous les jours l'été, donc faut s'arrêter. Mon microphone, une épée qui combat contre les pédophiles. Métis dit prône la bébé au bout du fil. Oh, avec R.O. et Cédric, c'est la misère qui défile. J'en ai marre de voir souffrir. Je voudrais plutôt les voir sourire. Travailler dur, c'est leur destin. Sans oublier Estelle et toute leur famille. 21e siècle, encore la présence de la famine. Toutes ces injustices me fatiguent et les maladies rappliquent. La vie est un vrai champ de mine, mais je me livre à elle. Du mal à comprendre les embrouilles, Palestine, Israël. Problème quant à l'acquisition, Jérusalem. Guerre de religion, j'entends dire Jésus salon de tout ça, je suis ombre sur cette terre. Trop de fachos, trop de misère, putain, fuyons. J'en ai marre de voir souffrir. Famille ni s'écorcher les mains pour une paix minime. Je voudrais les voir aller à l'école. Ne plus sniffer de la colle pour avoir l'impression qu'ils s'envolent. Car c'est à chaque fois qu'on en parle dans les médias, c'est là que tout le monde s'inquiète. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais dis-moi ce qu'il en est à cette heure. Les larmes coulent sur mon visage car je ne peux plus rester sage. Je peux pas faire comme tout le monde, dire que je m'en fous. Pendant qu'ils creusent leur propre trou, tu leur tapes le ciel gronde. Car leur vie leur met des coups inadmissibles. Qu'ils soient encore pris pour cible, inadmissibles. Qu'ils fassent encore des choses impossibles, inadmissibles. Qu'ils meurent de faim et qu'on reste insensible. Beaucoup gagnent des millions pendant que des associations cherchent des fonds. Tu peux pas me dire qu'on est tous égaux. Y'a pas d'égalité, de fraternité et encore moins de respect. Si t'es d'accord avec le R et le O, crie woi. Si tu veux le voir réussir, vas-y crie woi. Si t'es pour un monde plus uni, vas-y crie woi. Ok, real misère, Ayastan prod. Yo, R.O. Boy Boy. Maman de ma note, yo Cédric. Tyler, t'inquiète, on est là. Rayon de misère, yo Azanko. J'crois que c'est important de penser à eux. Merci pour la voix de Johanna. Jean de merde, broker de Wall Street. Autoproclamé maître de l'univers. Poussé Michael Douglas, alias Gordon Gekko à la mort moelleux. Qui invente chaque jour de nouveaux moyens d'exploiter les pauvres et de mieux piller la planète. Tous ces enculés de Shenron méritent d'aller en tôle jusqu'à la fin de leur jour et d'y crever. Les bouches échaînées, ils étaient pas au courant peut-être. Ils nous prennent vraiment pour des cons.